Hypnotisé, comédie en un acte de M. Grenet d'Ancourt à Mademoiselle Suzanne Reichenberg, sociétaire de la Comédie Française. Personnage, magnéto, hypnotiseur, M. Coquelin Cadet, sociétaire de la Comédie Française, Lucida, sujet extra-lucide, Mademoiselle Suzanne Reichenberg, sociétaire de la Comédie Française. Un petit salon, porte au fond, table et chaises, sur la table une guitare, une carafe d'eau, un verre, une bûche et des livres parmi lesquels se trouve La Terre de Zola. Au lever du rideau, magnéto, en habit noir, paraît au fond et salue trois fois le public. Scène première, magnéto. Mesdames, messieurs, messieurs, mesdames et toutes les personnes présentes qui ne sont encore ni l'un ni l'autre, je veux avoir l'honneur extrême de faire devant vous quelques expériences d'hypnotisme. Mais avant de commencer, avant de vous rendre témoin des curieux phénomènes qui, de nos jours, ont conquis le droit de citer dans le domaine scientifique, je tiens à dévoiler et à mettre à la portée de l'honorable assistance, en ce moment suspendu à mes lèvres, les moyens de reproduire avec succès et sans douleur les effets magnétiques que je vais moi-même avoir l'honneur de produire tout à l'heure. L'hypnotisme est une science qu'on ne saurait trop vulgariser. Chacun de nous peut, à un moment donné, avoir besoin d'endormir quelqu'un qui l'importune. Lequel de vous, messieurs, n'a pas souhaité, au moins une fois en sa vie, voir s'endormir sa femme pour courir un rendez-vous d'affaires galante? Laquelle de vous, mesdames, n'a pas également souhaité voir s'endormir son mari pour un motif, je ne dirais pas semblable, mais quelconque? Quel est celui de vous, enfin, qui, affligé d'une belle-mère, n'a pas ardemment désiré la voir s'endormir, sinon, pour éternellement du moins, pour la durée de son existence? Endormir sa belle-mère et la mettre dans l'impossibilité de nuire. Ah, messieurs, l'hypnotisme ne donnerait-il que cet unique résultat, qu'il aura encore le droit de compter au nombre des plus belles découvertes du siècle? Vous verrez tout à l'heure qu'il en peut donner d'autres. Celui qui veut hypnotiser doit bien se persuader que l'acte qu'il va accomplir est un acte grave et autant que possible être à jeun. Tel que vous me voyez, mesdames et messieurs, je suis à jeun. Tout ce qu'il y a de plus à jeun. À jeun aussi doit être la personne que l'on veut hypnotiser. En hypnotisant une personne dont la digestion ne serait pas faite, vous risqueriez de provoquer chez elle des accidents qui, quoique légers, pourraient eux-mêmes provoquer son décès, ce qu'il vaut généralement mieux éviter, à moins que l'on ait des raisons particulières de... Mais ce sont là des considérations d'ordre tout intime, dans lesquelles je n'ai ni le droit, ni le désir de m'immiscer. Les sujets les plus facilement hypnotisables sont ceux qui appartiennent au sexe auquel j'ai le regret de ne pas appartenir, c'est-à-dire les femmes. On parvient également à hypnotiser des hommes, mais cela offre beaucoup moins d'intérêt, surtout au point de vue plastique. Je vais maintenant vous indiquer comment il faut s'y prendre pour produire le sommeil magnétique. Vous faites d'abord asseoir la personne que vous voulez hypnotiser en face de vous, puis, appliquant vos pouces contre les siens de façon à ce que le contact ait lieu par la face palmaire, vous plongez dans ses yeux vos yeux et la maintenez immobile sous votre regard. Comme ça. Ah, le regard, tout est là, tout. Le mien, sans parler du fluide qui se dégage de tous mes pores, est d'une puissance telle qu'il me suffit de le laisser tomber négligemment sur un homme, une bête ou une femme, pour provoquer immédiatement chez eux le sommeil hypnotique. C'est au point qu'un jour que j'étais allé voir jouer, dans je ne sais plus quel théâtre, je ne sais plus quelle tragédie, tous les spectateurs sur lesquels j'avais par mégarde laissé errer mon regard se sont endormis pour ne se réveiller qu'à la fin de la représentation. J'ai endormi de même, un jour à la Chambre, tous les députés qui assistaient à la séance. Tous les journaux en ont parlé le lendemain, et plusieurs d'entre eux ont même daigné exprimer le regret que je n'assiste pas à toutes les séances. Je n'ai jamais pu savoir pourquoi, par exemple. Revenons à notre sujet que nous tenons toujours sous l'influence de notre regard et chez lequel commence à se manifester ce que l'on appelle les prodromes du sommeil ou symptômes précurseurs qui, généralement précédés d'un rire convulsif, se présentent de la façon suivante. Premièrement, titillement dans les bras. Deuxièmement, pesanteur dans les jambes. Troisièmement, sentiment de froid suivi de petites secousses nerveuses. Quatrièmement, moiteur générale et transpiration. Cinquièmement, fatigue douloureuse au-dessus des yeux. Sixièmement, battement des tempes. Septièmement, larmes dans les yeux. Huitièmement, clignotement des paupières et leur occlusion. Comme vous le voyez, c'est très gai. Mais vous comprendrez mieux en me voyant opérer sur Mademoiselle Lucida, sujet extra-lucide, que je vais avoir l'honneur de soumettre à l'appréciation des amateurs. Mademoiselle Lucida, s'il vous plaît. Scène 2, Magnéto, Lucida. Me voici, monsieur Magnéto. Je ne suis pas en retard? Non. Saluez le public. Tout de suite. Assez. Bien. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Très bien, monsieur Magnéto, très bien. Vous êtes à jeun? Presque. Qu'avez-vous pris à votre repas? Un demi-verre d'eau, un œuf à la coque et un biscuit à la cuillère. Un biscuit à la coque et un œuf à la... Parfait. Voilà qui est incapable de provoquer dans l'estomac un rassemblement susceptible d'encombrer les voies digestives. Nous allons commencer. Asseyez-vous. Voilà. Ne bougez plus. Je ferai remarquer aux personnes présentes qu'en dehors de l'odeur naturelle qui s'exhale de mon corps, je ne porte sur moi aucun parfum. Donnez-moi vos mains et regardez-moi bien en face. Attention, s'il vous plaît, aux symptômes précurseurs. Rire convulsif. Titillement des bras. Mademoiselle Lucida commence à titiller. Elle titille. Pesanteur dans les jambes. Je vous les ferai bien peser, mais ce ne serait pas convenable. Sentiment de froid, suivi de petites secousses nerveuses. Remarquez les petites secousses, c'est très curieux. Moiteur et transpiration. Les tempes battent, les paupières clignotent, les yeux se fatiguent et se ferment. Ils sont fermés. Et voilà. Mademoiselle Lucida est maintenant complètement en mon pouvoir et tout ce que je vais lui ordonner de faire, elle le fera. Ouvrez les yeux, Lucida, je le veux. À présent, levez-vous. Quelle sensation éprouvez-vous? Je suis heureuse. Allons, tant mieux. Aimez-vous les fleurs? Je les adore et j'en ai toujours sur ma fenêtre. Magnéto sortant une pipe de sa poche et la mettant sous les yeux de Lucida. Comment trouvez-vous celle-ci? Oh, la jolie rose! Et comme elle sent bon! La voulez-vous? Oh oui, pour mettre dans mes cheveux! Prenez-la! Prenez-la donc! Je ne peux pas! Ce n'est pas une rose d'ailleurs, c'est un petit oiseau. Oui, c'est un petit oiseau, avec des plumes et une petite queue. Il vient de s'envoler. Quel dommage! Le voyez-vous là-haut? Je le vois. Appelez-le. Petit, petit, petit. Disparu. Disparu. Comment vous appelez-vous? Lucida. Essayez donc de dire votre nom sans bégayer. Lucidada. Êtes-vous muette? Parlez alors. Dites votre nom maintenant. Lucida. Et voilà. Savez-vous lire? Lire, écrire et compter, monsieur Magnéto. Eh bien, lisez ce qui se trouve en haut de la page 317 de ce volume. Jamais il ne lui avait toléré cette familiarité. Fallait avoir l'âge. Il chassait l'air de la main en affectant d'être asphyxié par... Pourquoi vous arrêtez-vous? Continuez. Je ne peux pas. Je le veux. Je vous jure que je ne peux pas. Tiens. C'est extraordinaire. Jamais il ne lui avait toléré cette familiarité. Fallait avoir l'âge et... Oh! Qu'est-ce que c'est donc que ce livre-là? La terre, Émile Zola. Tout s'explique. Pardon, mesdames et messieurs, pardon. Je vais remplacer cette expérience malencontreuse par une autre expérience qui, je l'espère, vous plongera dans l'admiration et l'étonnement. Je vais faire dire à Mademoiselle Lucida des choses que vous n'avez jamais entendues sortir de la bouche d'une femme. Attention! Comment trouvez-vous, Mademoiselle Lucida, toutes les dames qui sont ici? Mais... Regardez-les bien. Je les trouve toutes charmantes. Moi aussi. Et puis? Jeunes. Et puis? Distinguées. Et puis? Spirituelles. Et puis encore? Et délicieusement habillées. Très bien. Qu'en dites-vous, mesdames? Je crois que c'est la première fois que vous entendez une femme parler ainsi des autres femmes, et je ne pense pas m'être trop avancé, en vous annonçant que j'allais faire dire à mademoiselle des choses que n'ont pas précisément l'habitude de dire les personnes du sexe auxquelles j'ai de plus en plus le regret de ne pas appartenir. Je continue. Voulez-vous me dire maintenant, mademoiselle Lucida, comment vous trouvez... Les messieurs? C'est cela. Mais... Regardez-les. Non. Je le veux. Je n'ose pas. Pour pouvoir nous dire ce que vous en pensez, il faut cependant que vous les regardiez. Je les ai regardées en arrivant. Tiens, tiens. Et quelle sensation avez-vous éprouvée en les voyant? Monsieur Magnéto! Vous ne voulez pas le dire? Je ne veux pas le dire. Voyons, ces sensations peuvent-elles au moins s'exprimer par un geste? Dame, oui. Alors faites-le. Ce geste. Volontiers, envoyant des baisers au public. Messieurs. Mesdames. Mademoiselle Lucida. Monsieur Magnéto. Dormez, je le veux. Lucida tombe dans un des bras de Magnéto qui prend une pose. Remarquez la grâce des attitudes. Prenant Lucida dans un autre bras. Quand on est fatigué, on change de bras. La laissant glisser doucement à terre. Où on lâche tout. Prenant une pause. La fontaine Saint-Michel. Soufflant sur le front de Lucida pour la réveiller. Relevez-vous et saluez. Vous n'êtes pas fatigué. Si, un peu. Magnéto emplissant un verre d'eau. Avalez ce verre de vin. Oh, comme il est d'un beau rouge. Buvez. Merci. Comment vous trouvez-vous? Mais très bien. Magnéto, l'hypnotisant. Très bien, vous êtes ivre pourtant. Moi? Je vous dis que vous êtes ivre. Moi? Je? Oui. Ah, c'est curieux comme tout tourne autour de moi. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah, ah, ah, ça tourne, ça tourne. Ah, comme ça tourne. Y a pas à dire, j'ai mon pompon. En revenant de Suresnes, j'avais mon pompon. Dis donc, Magnéto, c'est tout ce que tu paies? J'ai soif, tu sais. Ah, comme ça tourne, comme ça tourne, comme ça tourne. Oh, oh, oh. Magnéto, lui prenant le bras. Ne riez pas, malheureuse. On vient de vous voler votre enfant. Mon enfant? On m'a volé mon enfant? Un petit enfant tout neuf, tout jeune? Non, c'est impossible. Il est là qui dort dans son berceau. C'est un ange. Des lèvres plus roses que les roses. Et des yeux plus bleus que le ciel. Vous ne l'avez jamais vu? Attendez, je vais vous l'apporter. Ah, volé! Ils me l'ont volé! Ils me l'ont volé! Il était là, dans son berceau. Et puis, des hommes sont venus. Ah, mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon enfant! Je veux mon enfant! Je veux mon enfant! Je veux mon enfant! Magnéto, lui mettant une bûche dans les bras. Tenez, je viens de le retrouver. Lui, oh, cher amour, cher amour, qu'il est beau. Allons, monsieur, faites vite une risette à tout le monde. Il a l'air bien intelligent. Il l'est aussi. À qui ressemble-t-il? À son père. Vous n'avez que celui-là. J'en ai 22. Un chantier. Quel âge a-t-il? 3 mois. C'est le plus jeune, alors? Non, c'est l'aîné. Allons, rendormez-vous, cher amour, rendormez-vous. Fredonnez-lui quelque chose, cela le bercera. Mmh, mmh, mmh. Ne savez-vous rien de plus gai ? En revenant de la revue, en revenant de la revue, en revenant de la revue, en revenant de la revue. Allons, c'est assez. Couchez-le. Bonsoir. Magnéto prenant la guitare et préludant. Attention à la scène d'extase. Oh, voyez quel joli panorama se déroule devant vos yeux. Des couples enlacés se promènent. Ce sont des amoureux. Qu'est-ce qu'ils font donc ? Les voilà qui dansent au son des tambourins. Écoutez, l'Angélus sonne et tous se mettent en prière. Tiens, le ciel se couvre, les éclairs sillonnent la nuit et le tonnerre gronde. Oh, regardez ces malheureux qui grelottent sous la pluie. Une personne charitable a organisé une représentation à leur bénéfice et obtenu le concours de Coquelin Cadet qui dit un monologue. Il salue et remet sa guitare sur la table, au public. Fin de la scène d'extase. Une dernière expérience pour finir. Je vais, si vous le voulez bien, suggérer à Mademoiselle Lucida l'idée de m'aimer passionnément. Rassurez-vous, les choses n'iront pas plus loin qu'elles ne doivent aller. Comment me trouvez-vous, Lucida ? Je te trouve beau et je t'aime éperdument. Est-ce bien vrai ? Je te le jure. Oh, viens, fuyons ensemble. Une chaise de poste nous attend à la grille du parc. Viens, mon bien-aimé, viens. Tu hésites ? Grand Dieu, tu en aimes une autre ? Une autre ? Ah, si cela était, je la tuerais. Mais non, tu n'aimes que moi. Tu n'adores que moi. Et toute ta vie est à moi, comme toute ma vie est à toi. Et voilà, ce n'est pas plus difficile que cela. Je recommande cette dernière expérience aux personnes qui ne savent comment s'y prendre pour se faire aimer. Maintenant, je vais réveiller Mademoiselle Lucida et nous aurons l'honneur de vous remercier ensemble de la bienveillante attention que vous avez bien voulu nous prêter. C'est fait. Et il ne nous reste plus, mesdames et messieurs, qu'à... Qu'avez-vous à me dévisager ainsi ? Monsieur Magnéto ? Eh bien ? J'ai un aveu à vous faire. Un aveu ? Je crois que le sentiment que j'éprouve pour vous quand je suis endormi survit en moi après le réveil. Hein ? Elle n'est sans doute pas suffisamment dégagée. Oh, je suis bien éveillée, allez. Essayons encore. Tout à fait éveillée. Alors, vous m'aimez ? Vous ne vous en étiez pas aperçu. Et vous venez me dire cela devant le public ? C'est mal. Mais... C'est qu'elle est charmante. Elle a des yeux, un nez, une bouche. Et puis cette façon originale de me déclarer son amour. Pardonnez-moi. Il est certain que j'aurai là une compagne ravissante. Qu'en dites-vous ? Vous êtes fâché ? Oui. Oh. Eh bien non, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. Alors, si vous n'êtes pas fâché, c'est donc que vous consentez à... C'est-à-dire, si je m'attendais à celle-là, par exemple... Allons. Mais... Dites oui. Eh bien oui, je consens. Là, êtes-vous satisfaite ? Satisfaite ? Folle, monsieur Magnéto ? Folle de joie ? Moi aussi, mais que vont penser ces dames et ces messieurs ? Bah, ce qu'ils pensent depuis longtemps. Quoi donc ? Que c'est l'amour qui est encore le plus habile et le plus puissant des hypnotiseurs. Ici se termine Hypnotisé d'Ernest Grenet-Dancourt avec Daniel Lutringer et Christiane Jehanne.